Bonjour, mes frères et sœurs. Et nous continuons ce matin notre étude dans les Actes des Apôtres. Et nous sommes au chapitre 15 ce matin. On tourne une autre page, un autre chapitre dans notre livre qui est souvent appelé un livre de transition entre l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Comment les premiers chrétiens, qui étaient des juifs en grande partie, comment la transition s'est faite entre les deux? Et il ne faut pas perdre de vue que ce livre n'a pas été écrit à un groupe ou à une église, comme l'Épître aux Romains, par exemple, mais elle a été écrite à un individu. Et le but que Luc a écrit à Théophile est le même but que l'Évangile. Il dit « Afin que tu vois comme étant certaines les choses que tu as entendues. » Donc, Théophile avait entendu des choses et Luc veut l'aider à en être convaincu. Et je crois qu'il veut l'aider à se convertir. Mais si vous pensez qu'il était croyant, à le fortifier dans sa foi, et qu'il non pas juste qu'il puisse dire « je crois », mais de pouvoir donner des raisons ou des explications à pourquoi, maintenant, il était devenu croyant. Comme souvent les gens m'ont demandé « pourquoi t'es pas resté catholique ? Pourquoi t'es devenu un baptiste ou un protestant ? Ou pourquoi as-tu changé d'église ?» Il nous faut donner des raisons pourquoi nous avons fait ce choix. Donc, nous allons continuer dans la même optique avec le chapitre 15. Mais nous allons prier, si vous voulez bien, notre Père du ciel. Nous allons lire encore ce matin quelques lignes qui nous révèlent ta pensée, parce que derrière Luc, il y avait l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint avait été envoyé par toi, par Jésus. Tu veux nous parler, tu veux nous dire quelque chose. Tu veux passer un message à ton peuple, afin que nous comprenions qui tu es, afin que nous comprenions qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux pour nos vies? Car le but ultime que tu as, c'est ta propre gloire. La gloire de ton Fils pour l'éternité. Dirige-nous donc, afin que nous puissions atteindre ce but ce matin. Amen. Donc, dans les jours qui viennent de passer, nous avons vu le premier voyage de Paul, au chapitre 13 et 14, premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas ont parcouru plusieurs villes et établi des églises locales. Ils ont mis en place des anciens. Et on voit qu'ils sont retournés dans l'église d'Antioche, l'église qui les avait envoyés, l'église qui les avait aidés par la prière et par le soutien financier pour établir ces églises dans d'autres villes qui étaient premièrement, essentiellement, des villes non juives. Toujours des églises, des synagogues dans ces villes. Et on a vu que Paul commençait par les synagogues et ensuite de ça, il se tournait vers les païens parce que la majorité des synagogues refusaient l'Évangile. Il y avait des Juifs qui se convertissaient, mais la majorité rejetait l'Évangile, et Paul et Barnabas se tournaient vers les païens qui acceptèrent l'Évangile avec un plus grand nombre. Mais le chapitre 15 est une espèce de parenthèse avant d'entreprendre le deuxième voyage. Au verset 35 de ce chapitre 15, nous allons voir que Paul va entreprendre un deuxième voyage missionnaire. Mais là, entre les deux, intervient, où Luc fait entrer un événement dans l'histoire de l'Église d'Antioche. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que Luc fait-il entrer cet événement entre les deux voyages? Pourquoi va-t-il dire cela à Théophile? Et nous allons essayer de voir ensemble pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a jugé utile, par Luc, de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église d'Antioche. Nous allons lire à partir du verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc, nous avons lu dans ces premiers 5 versets la raison, ce qui a poussé Luc à écrire cet événement-là. Donc, il est arrivé des hommes de la Judée, de l'Église de Jérusalem. Ils semblent s'être présentés comme des envoyés de l'Église. Et ils leur disent, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc ces Juifs veulent emmener les païens à se faire circoncire. Donc, si on le fait, dit d'une autre façon, à observer la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. La circoncision était quelque chose que Dieu avait exigé pour tout mâle, afin de marquer leur entrée dans le peuple de Dieu. Ici, ils ne font pas juste demander de continuer une tradition, mais ils leur disent, si vous devez faire ça pour être sauvés. Il y a bien des choses que les gens peuvent nous demander de faire. Pour des raisons plus ou moins claires, des fois, ou plus ou moins personnelles, ou bien plus ou moins importantes pour une église quelconque. Et des fois, on peut s'y plier, ou y adhérer, ou le faire. Mais quand on nous dit que c'est pour être sauvé, là, il faut que nos oreilles bourdonnent. Il faut que les petits poils qu'il y a sur notre nuque se relèvent. Il faut que qu'on réagisse intellectuellement et dise « Wow, wow, wow, minute, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que je fasse ceci ou cela pour être sauvé. » Ne le sommes-nous pas sauvés? Paul et Barnabas, au verset 2, vont avoir avec eux un débat et une vive discussion. Or, si vous lisez différentes traductions, vous allez voir qu'il y a eu vraiment cet effort-là. Il y a eu, des fois, j'aurais quasiment envie de te traduire, une bonne engueulade. C'est assez fort pour amener un argument que virer peut-être à la chicane. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem avec les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ce qui me surprend, moi, ici, dans ce verset-là, c'est que Paul et Barnabas n'ont pas réussi à donner assez d'arguments pour convaincre ces Juifs qui avaient été envoyés, qui étaient venus de la Judée. Mais en plus, ils n'ont pas pu ou donner assez d'arguments pour convaincre l'Église d'Antioche. Qu'ils avaient raison et qu'ils n'avaient pas besoin d'être circoncis. Mais l'Église d'Antioche demande à Paul, à Barnabas, à ces Juifs qui étaient venus de Judée, à quelques autres frères, d'aller à Jérusalem, rencontrer les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. Paul, Barnabas, l'Église d'Antioche voit parmi les apôtres et l'Église de Jérusalem, les anciens, une autorité là. Il les envoie à Jérusalem afin de pouvoir régler ce différend qui, si ça continuait, pouvait causer une division dans l'Église. Je crois que Luc est en train de cogner sur le même clou pour Théophile en lui disant, Théophile, les apôtres ont une autorité suprême. Ils ont reçu un mandat de la part de Jésus-Christ. Pour mettre les fondements à l'Église, les fondements de la foi. Et ils vont, vu que ces apôtres-là sont dans l'Église de Jérusalem, on les envoie à Jérusalem rencontrer les apôtres et les anciens, les dirigeants dans l'Église, afin qu'on puisse régler ce litige et que ça ne fasse pas de division dans l'Église. Et que la foi qu'ils ont soit bien fondée. Paul, Barnabas, les anciens de l'Église d'Antioche sont prêts à se soumettre à l'autorité des apôtres. Les anciens de l'Église de Jérusalem, eux autres aussi se sont soumis à l'enseignement des apôtres. Donc, ils partent et ils descendent à Jérusalem, rencontrer l'Église, les apôtres et les anciens. Et au verset 4, ils vont raconter tout ce que Dieu a fait avec eux parmi les non-croyants, les non-juifs. Au verset 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. On se rappelle que les pharisiens étaient déjà très minutieux de la loi, de l'observation de la loi de Moïse. Paul se présente lui-même comme étant pharisien, né de pharisien, observateur de la loi. Donc, je crois que Paul était bien placé pour comprendre qui étaient ces hommes qui étaient du parti des pharisiens. Eux, ils veulent aussi qu'on exige des non-juifs qu'ils soient circoncis et qu'ils observent la loi. Ils voulaient faire, je peux dire ici, des premiers chrétiens de l'église d'Antioche, des gens qui étaient, qu'on appelait des prosélytes. Qu'ils deviennent des juifs de foi et des chrétiens aussi, bien entendu. Parce qu'ils avaient bien cru. Mais ils avaient de la misère, comme chacun de nous, à prendre la nouvelle foi, ou l'enseignement des apôtres, ou l'enseignement du Seigneur Jésus, et de comprendre quelle place a l'ancienne foi juive, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Comment on peut jumeler ça avec la Nouvelle Alliance? Comment il faut agir? Dieu nous avait dit de faire des choses dans l'Ancien Testament. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne faut plus les faire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'exiger des païens qu'ils observent la loi que Dieu nous avait demandé à nous aussi d'observer? Dieu a-t-il deux standards, deux mesures? Mais l'Église d'Antioche a pris une très bonne décision. On envoie ces hommes à Jérusalem parler avec les apôtres et leur demander « Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? » Quand nous avons des débats, nous aussi, quand nous avons des différends dans nos églises, oh, des fois, il serait intéressant de pouvoir aller à Jérusalem et de rencontrer les apôtres s'ils étaient encore vivants. Mais ils ne sont plus là. Mais nous avons, aujourd'hui, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a pas tout été écrit par des apôtres. Matthieu est un apôtre. Jean est un apôtre dans l'évangile de Jean. Mais Marc n'était pas un apôtre. Luc n'était pas un apôtre. L'évangile de Luc et l'évangile de Marc, c'est deux hommes qui n'étaient pas des apôtres. Les actes des apôtres, c'est Luc. Et Luc n'était pas un apôtre. Et une grande partie du Nouveau Testament est écrit par Paul qui n'était pas, qui faisait pas partie des douze. Lui-même a dû se soumettre aux douze. Paul n'a pas reçu le même mandat que les douze. Paul n'a pas reçu de mettre un fondement à la foi. Donc, tout ce qui a été écrit, même par ceux qui n'étaient pas apôtres, a été soumis à l'autorité des apôtres. Pierre va dire un peu plus loin qu'il approuve ce que Paul a dit dans ses épîtres. Et ce qui a été écrit du Nouveau Testament a été soumis à l'autorité des apôtres. Les apôtres, et on croit que l'Apocalypse, qui est le dernier livre du Nouveau Testament, qui a été écrit le plus tard, c'est un apôtre qui l'a écrit. Donc, pendant tout ce temps, les apôtres étaient présents. On ne sait pas jusqu'où ils ont été présents, dans quelle année ils ont été présents. Mais on sait qu'au moins Jean a été présent jusqu'à la fin de la mise en place du Nouveau Testament. Donc, Luc dit à Théophile, les apôtres ont l'autorité finale. Et ce que les apôtres ont approuvé, sputifié, tu peux voir comme étant certain ce que tu as entendu. Si les apôtres ont approuvé ce que tu as entendu. Quand nous avons des différends, frères et sœurs, allons voir les Écritures. Et que si on le faisait, ça éviterait un paquet de problèmes dans nos vies personnelles, un paquet de problèmes dans nos vies de couple, un paquet de problèmes dans nos vies de famille, d'église. Si on pouvait donc s'arrêter et mettre de côté nos petites histoires personnelles et se tourner vers les Écritures. Notre Père du ciel, donne-nous cette sagesse de se tourner vers les Écritures, car nous avons des différends entre nous. Donne-nous la sagesse de faire la différence entre ce qui est tradition, ce qui est personnel et ce qui est absolu, qui vient des Écritures, qui a été écrit par les apôtres ou approuvé par les apôtres, inspiré par l'Esprit-Saint et qui a été mis dans le Nouveau Testament. Conduis-nous de cette façon, au nom de Jésus. Amen.